jour. On pouvait croire, si seulement on pouvait encore croire. À tout l'immonde, sans préjugés, à tout l'insensé, si de nos jours on pouvait croire. Si seulement on pouvait encore croire à tout l'immonde sans préjugés, à toute l'ivresse de l'insensé. Si de nos jours plus qu'un reflet, le mal qui nous ronge peut-il encore s'estomper? Peut-il encore s'estomper?